Chapitre 5e. Iko Teruka, en prévenant le commissaire central de Saïgon, se doutait bien que Lampoun et ses complices s'arrangeraient à faire disparaître toutes les preuves de leurs méfaits. Aussi, après avoir averti le magistrat, Iko Teruka, sans perdre un instant, avait regagné les alentours de la maison de l'épicier chinois. Il s'était introduit dans une maison voisine, était grimpé sur le toit. Grâce à l'obscurité, personne ne l'avait vu. Iko Teruka, de son perchoir d'où il dominait les bâtisses environnantes, s'était mieux rendu compte de la disposition des lieux et avait ainsi constaté que la maison de Lampoun communiquait avec une rue voisine grâce à une série de courettes et de passages voûtés. Iko Teruka était allé se poster dans la ruelle où débouchait la seconde issue de la maison du Chinois et avait ainsi vu sortir une petite troupe parmi laquelle il avait reconnu Mitsui Jinzo. Le célèbre détective avait suivi les bandits et les avait vus entrer dans une vaste bâtisse dont ils avaient refermé la porte sur eux. Mais Iko Teruka avait deviné qu'ils n'allaient sûrement pas y rester, car cette bâtisse, d'après ses apparences, n'était autre qu'un hangar abritant des marchandises. Iko Teruka, en ayant fait le tour, constata qu'une de ces portes donnait sur le quai de l'Arroyo chinois, qui passe au milieu de la ville de Cholon. Une grande jonque était accostée contre le quai. Iko Teruka, s'étant laissé glisser à l'eau, nagea jusqu'à elle et grimpa le long du large gouvernail. Il arriva sur son pont qui était désert. La cale était ouverte. Iko Teruka y descendit et vit qu'elle était aux trois quarts pleine de sacs de riz. Il se dissimula entre eux. Mais à peine s'était-il installé qu'il entendit des cris et des appels. Il écouta et entendit quelqu'un parler de larguer les amarres et d'appareiller. Puis, d'autres hommes fermèrent le panneau de la cale. Iko Teruka sentit que la jonque s'ébranlait. Où allait-elle? Des bruits de voix arrivèrent jusqu'à lui. Ils provenaient de derrière une des cloisons transversales de la cale. Iko Teruka posa son oreille contre le bois et distingua des mots prononcés en langue chinoise. « Nous avons été trahis, c'est sûr. Mais pendant qu'ils fouilleront la boutique, nous serons loin. Qui peut se douter que nous sommes ici? C'est sûrement ton père qui nous fait rechercher, Mitsui. Mais ne t'inquiète de rien, tu auras tes 100 000 yens dans 15 jours. Lorsqu'il ne te trouvera pas, il versera tout ce que tu voudras. Allons, viens jouer encore une partie pendant que Cheng va préparer les pipes et l'opium. » Iko Teruka entendit des paroles indistinctes, puis tout se tut. La jonque, maintenant, voguait. « Si je pouvais sortir d'ici, tout irait bien, » pensa Iko Teruka. La rivière de Cholon débouche dans le Dongnai. Je serai à Saïgon avant la jonque et la ferai arrêter au moment où elle passerait. Oui, mais il fallait sortir, et surtout sortir sans éveiller l'attention des Chinois, sinon tout serait perdu. Iko Teruka rampa sur les sacs de riz jusqu'à ce qu'il eût atteint la cloison opposée à celle derrière laquelle il avait entendu parler. Il écouta, rien que le silence. Il tâta le bois et sentit qu'il fléchissait sous son doigt. La cloison était pourrie. Iko Teruka, doucement, l'attaqua avec son couteau. En moins d'une demi-heure, il réussit à en détacher une planche. Il se glissa dans l'ouverture et entendit des ronflements. Il était dans le poste des marins de la jonque. Ceux-ci dormaient, heureusement. Iko Teruka, se fiant à l'obscurité, remonta sur le pont. Il se dirigea vers l'avant de la jonque et s'arrêta pour regarder si personne ne l'observait. Mais le pont était désert. Seul se voyait à l'arrière le matelot debout au gouvernail. La jonque, sa large voile de riz, pareille à une aile de chauve-souris, tendue par la brise, glissait doucement sur l'arroyo. Iko Teruka se mit à plat ventre et se laissa doucement glisser dans l'eau le long d'une corde. Il plongea et resta ainsi jusqu'à ce que la jonque fût loin. Puis, étant revenu à la surface, il nagea vers le rivage. Cette fois, il tenait les bandits. En quelques brasses, il prit pied et, ruisselant, se dirigea vers la route qu'il apercevait à quelques mètres de lui. Mais comme il passait devant un bouquet d'arbres, un homme en jaillit et de toutes ses forces lui abattit un énorme gourdin de bambou sur le crâne. Assommé net, Iko Teruka tomba sans connaissance. L'homme, qui lui aussi avait ses vêtements ruisselants, commença par lier les mains et les pieds du détective, puis il le traîna dans un fourré voisin, après quoi il le fouilla avec dextérité, minutie et rapidité.